Cavalier Maxime. Pour plus d'informations, visitez le www.megmontréal.com. Family Affairs Productions, en collaboration avec Synergie Contact, Chaussures Eureka et Choc FM, présente Lueur dans l'œil, défilé de mode au profit d'Opération Enfant Soleil. L'événement se tiendra vendredi le 15 août 2008 à 19h au Col Anoté, situé au 5240 Avenue du Parc. Prix d'entrée 20$ à l'avance, 25$ à la porte. 3$ par billet ainsi que tous les profits des tirages seront remis directement à Opération Enfant Soleil. Infos et réservations 514-616-88. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. En manchette ce soir, on parle de gaz, on parle de super glue et on parle de crime pas mal aussi. Et une petite toune thème spéciale. Ouais, on n'a pas la toune thème aujourd'hui, fait que je vous chanter, emmène-moi à game de balle. Amène-moi dans la game de balle. Amène-moi dans avec le monde. Jette-moi des peanuts pis des Cracker Jack. Je pense pas que je vais en revenir parce que c'est pas mal. Fuck all pour l'équipe locale. Si gagne pas, c'est de la marde. Enfin, c'est 1, 2, 3, traité dans le game de balle. Fais-toi vomir. Il y avait de la verve. C'est quoi? C'est des vraies paroles d'une vraie traduction? Ouais, presque. Ah, oh boy. Mais c'est quoi? Vous l'avez composé ensemble avant, gang de taquins? Non. On chantait ce qu'on se rappelait dans l'anglais. Puis, C'est fort. Tu vois, ça non, mais j'avoue, stop tout de suite. Oh. J'ai ici avec moi. Non, je voulais mettre la trame sonore. Super Adventure Island. Ah, ben cool. Vas-y. Un excellent jeu. Bon. J'ai essayé avec moi les menthes au bacon. Oui, c'est vrai, on commençait par ça. De l'Uncle Unker. Oui. Uncle Unker, oh, savory bacon dedans, mint. Et je vais m'en crisser deux dans la gueule. Je vais maintenant rouvrir le petit pot qui paraît être très difficile à ouvrir. Hein? Je te l'avais dit que t'aurais dû le pré-ouvrir avant de l'ouvrir. Moi, je pensais que ça faisait partie du show de l'ouvrir en ondes. Ouais, c'est vraiment un challenge, c'est vrai, pour avoir essayé. Hein. Ah, oui. C'est vraiment seulement ceux qui sont worthy of the bacon qui peuvent passer au travers du piège. Tu peux y aller avec, on est dessus, mon gars, mets-toi ça dans la bouche. Avec le sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parle de nos affaires, puis je vais crier « Hey », bien que j'ai ouvert la boîte. Roger Normandin, qui a été voté comme le grand favori. Roger Normandin, le produit du terroir québécois qu'on va découvrir ensemble. Sinon, bon, on va avoir des nouvelles. Puis c'est pas mal ça, là. On va écouter Israël qui va nous parler de ce qu'il ressent avec des bacon mint dans la bouche pour la première fois. Bruno est en train de m'aider à l'ouvrir. J'ai sorti mes clés. On va voir. OK, on n'est pas encore rendu à l'étape où ils sont accessibles. Tu n'as pas démontré ta valeur à date. Non, mais Bruno, faut pas que tu me l'ouvres. C'est moi qu'il faut que tu sois worthy. C'est le chemin qui est important. C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est là qu'il fait la force nécessaire pour s'envoler dans les cieux. Là, pour l'instant, il a sorti ses clés. C'est pas comme, tu sais, Arthur qui enlève l'Excalibur. Lui, il y avait pas des pinces pour la prailler out. Non, on dirait qu'il y en a 100. Est-ce que je m'écrisse tout dans la gueule? Non. T'en prends deux, tu la mets dans ta bouche. OK. Puis tu laisses ton verbomoteur aller. Attention, cher public. OK, dans 3, 1, 2, 3, manteau bacon. Des crocs, mesdames et messieurs. Ouais. C'est très cocasse. Ça goûte comme les bacon bits. Ouais. Mais avec de la menthe. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie. On est à 70%. On peut en mettre dedans notre salade. Moi, j'en mets dans ma salade personnellement. J'en mets dans mes Cheerios. Je vais me délecter d'une bacon mint. Vas-y, dis-moi donc ton... Ah, ben Tommy, vas-y. On parle du film, mais là, on va aller écouter une toune de Paquin. Paquin, qui est un manitobain francophone des années 70. C'est un arrière-goût dégueulasse. Oui, ben c'est fait pour, c'est des bacon mint. C'est parfait parce que ça sert à donner une haleine de bacon. On dirait que le bacon vient après la menthe. On va essayer de trouver des mots sur les émotions. On va écouter Paquet. Il y a rien là, vous allez voir, c'est slang. On vous revient avec une belle poésie, hein, Israël? Oui, tout à fait. Voilà. Serveuse topless, spectacle de danseuse nue, la grosse business, y'en a sur tous les coins de rue. Boutique de sexe, les salons de massage, ils prennent charge X, pis les chèques de chômage. Mais y'a rien là, y'a rien là, y'a pas de problème. Y'a rien là, y'a rien là, c'est même qu'on s'aime. Y'a rien là, y'a rien là, y'a pas de problème. Y'a rien là, y'a rien là, c'est même qu'on s'aime. Rien qu'ils ont pas montré jusqu'à Gazette, qu'il y a plus de moralité. Il y a de l'amour à vendre jusque dans les annonces classées. Mais y'a rien là, y'a rien là, y'a pas de problème. Les religieuses, puis les frères sont défroqués. Les hommes aux hommes, puis les femmes sont libérées. Si tu que t'aimes pas ton sexe, ben tu peux te faire opérer. Pour la rançon en cas de besoin, je ne voulais pas que vous soyez tenté. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Le bourdon dit à la clochette des toits dans méchantes sonnettes. Ding dong, ding dong. La clochette lui répond ding dong, ding dong, ding dong. Fin. Oui, alors en nouvelles maintenant, des nouvelles tristes du Texas, Keith Walendowski, 57 ans, de Austin, Texas, a été accusé vendredi dernier d'avoir tiré sur sa tondeuse avec un fusil à pompe tronçonné. En toute honnêteté, a-t-il ça affirmé. C'est un super beau spectacle, ça, le redneck. Oui, donc, en toute honnêteté, a-t-il affirmé lors de sa déposition, alors qu'il était clairement en état d'ébriété. J'étais fâché parce que ma tondeuse ne voulait pas partir, alors je suis allé chercher mon fusil et j'ai tiré dessus. Il continue en disant, j'ai bien le droit de le faire, c'est ma tondeuse et mon terrain, je peux tirer dessus si je veux. Malheureusement pour lui, ignorer la loi n'est pas une défense légale valable. Il a été accusé du crime de possession d'armes illégales, délit de conduite désordonnée étant armé. Il fait face à 6 ans et 9 mois de prison. En plus, la garantie de la tondeuse ne couvre pas les coups de feu. Il avait pensé à ça. Hey, c'est fabuleux, ça. Le gars, c'est sûr qu'il était en salopette, il avait pas de t-shirt là. C'est sûr, man, il y avait une calotte sale, là. C'est sûr. C'est sûr. Hey, sinon, ben les bacon mints, le bacon reste plus que les menthes. Ouais. Dans la bouche, là. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, moi, qui est comme désagréable avec ça. Ouais, je pense que c'est pas assez un naf-naf. Non, c'est ça. Vas-y avec parle-nous, hein. Mais c'est mieux plus de bacon que de menthe. Moi, je suis d'accord. Chose, hein. Donc, sinon, ben c'est Roger. Roger Normandin. Roger. Roger. En fait, c'est Rogers, parce qu'il y a un S. Rogers, ce soir, ben, on va sauter dans son univers. Assisez-vous confortablement, Rogers va faire le reste. En fait, il va faire tout le reste. Monteur, caméraman, éclairagiste, scénariste, acteur principal, booker, raccord, oui. Grâce à Rogers, vous n'avez qu'à vous asseoir confortablement, il fera littéralement tout le reste. Rogers demeure en banlieue de Shawinigan. Là, en 1979, grâce à son salaire de chauffeur d'autobus scolaire, il put s'acheter une caméra, chose très dispendieuse à l'époque. Ensuite, Rogers se mit à créer. Ce soir, la quatrième dimension, c'est son sixième film. Là, je vous entends penser. Oh, il y en avait cinq avant! Ben oui, sinon ça serait pas le sixième. Et, dans ces sept films, Rogers joue le rôle du héros, je dis ça parce qu'il y en a un après celui qu'on va écouter tantôt. Un héros très prompt à faire la morale, à des inconnus, mais héros quand même. Fait intéressant qui peut aider à comprendre le personnage, il est sans moustache pour la première fois dans la quatrième dimension, laissant ainsi exploser sa présence à l'écran. Mais, cinq longs métrages avant ça? Sérieux? Oui! Cinq longs métrages tournés, montés, distribués via le club vidéo du dépanneur de Lac à la Tortue, municipalité qui sait et reconnaît l'importance de l'œuvre de Normandin. Il paraît que Nelligan perdait un peu de sa sanité à chaque nouveau poème. Même phénomène pour Rogers, sauf qu'il a commencé avec une moins bonne avance en matière de moins de sanité. Oui, mais ça se peut pas, 5 avant ça! Oui, c'est ça, c'est 5 longs métrages, de plus de 90 minutes chaque. Et on va tout de suite régler ça. Deux points, non, ça ne se suit pas entre les films. Bien que le fier créateur soit au centre de toutes ces intrigues, la continuité d'un film à l'autre est autant présente que la continuité des séquences à l'intérieur même d'un même film, c'est-à-dire absente. Et pour illustrer cet état de fait, je vous informe que dans le long métrage de Rogers qui précède celui de ce soir, La chienne de vie, le long métrage reconnu par l'ONF, national du film, notre hardi héros sera à un degré de personnage que je croyais pas possible d'atteindre. To go where no scénariste has gone before, c'est sûrement ce que Roger se disait quand il a décidé de donner un dialogue d'une séquence à l'ami de la blonde du gars qu'on voit une fois à quelque part vers le milieu. Un quatrième rôle, mesdames et messieurs. Je pensais pas que ça se pouvait. Donc, j'ai même pas découpé ça parce que je veux dire, j'ai plein d'extraits. Je vais mettre ici, gars, Roger, il gagne des pouvoirs. Ah, tiens, le début de la quatrième dimension. Sinon, on va mettre Roger qui s'assume comme besoin de faire de la justice. Ça va être beau. On va revenir à 70%. Un spécial Normandin avec Jérémy Gabriel. On est choyé. Depuis que c'est la quatrième dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire régner la justice en toute légalité. Quoi? Un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Fait que maintenant, quand on n'amour pas que ça t'en passera, mais moi j'aurais le goût qu'on irait fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on irait faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Oui! Bonjour! Salut, t'entends, sapristi. Un petit peu plus loin dans le film, c'est que la première chose que Rogers y fait quand il apprend qu'il a le pouvoir de lire dans la tête des gens, c'est qu'il s'en va aux Zellers. Puis là, aux Zellers, ben, il croise une madame qui fomente un plan démoniaque, puis lui, il va la sauver. Ok, c'est volé. Mais, j'ai une Benoît, ça m'a reçu de linge là. Qu'est-ce que je fais? Ben, moi, ça me dérange pas, piquer, là. Moi, je vais le prendre pareil. J'ai bien l'intention de prendre quelque chose sans le payer. Non. J'avais pas l'intention de prendre ça, là. Parce c'est rien que le checking. Parce que vous savez, mademoiselle, très bien, que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, puis si c'est volé, comme on dit. Quand Thomas Kimmel peut pas l'arrêter et puis pas avoir un casier judiciaire en supplément. Qui ça qui vous a dit ça? J'ai volé. C'est mon intuition personnelle qui m'a dit que vous aviez l'intention de prendre quelque chose dans le magasin. Oh. Non, vous n'avez rien d'intention de faire. En tout cas, le plafond de zèleuse à Shawinigan est beau en sapiste. Moi, non, je ne suis pas agent de sécurité, mademoiselle, mais j'ai pressenti que vous étiez pour prendre quelque chose. Il est bègue, comme. Mais non. Votre intuition est mauvaise. Où il y a de la misère à lire ses cartes. Hein? Ça se peut. Peut-être qu'il les mélange sans s'en rendre compte. J'ai vu de mes pensées. J'ai dit tantôt, c'est que quand on dit piquer, c'est voler. Si vous n'avez pas d'argent, c'est mieux de rien acheter. Parce que si vous faites prendre, on a quasi 8 chèques, vous allez traîner avec vous toute votre vie. Ben, est-ce que tu penses que si elle se fait prendre, piquer, c'est voler, puis qu'elle va avoir un casier judiciaire? C'est ça. Il n'y a même pas de processus moral. Non. Lui, il répète les slogans, puis il dit, il parle des conséquences. Il n'y a pas je sais pas. Mais en fait, c'est que l'intervention ici du héros Valentino, on ne sait pas c'est quoi son nom dans ce film-là, ils ne disent pas vraiment, il s'appelle Chéri, pour le seul personnage qui y parle. Et puis, ben, c'est ça, la fille qu'on vient d'être témoin, qu'elle fomentait un plan diabolique, ben, un petit peu plus loin dans le film, on surprend deux personnages à parler de cette fille-là. C'est assez beau, vous allez voir. Tu seras pas comme Sophie, la fille de Gertrude, puis tu vois la détalage comme elle, là, parce que c'est pas... Elle perd son nom, puis il n'y a pas d'avenir avec ça, là. Sophie, là, j'étais à l'Espo, là. Puis, elle a eu sa leçon, là. Elle vole plus pantoute. Le magasin. Compris. Elle a compris sa leçon, puis que là, elle est venue à bout de faire une femme d'elle, et puis, c'est encourageant pour les parents, puis tout, ça. Fait que Sophie, là. Puis, elle a eu sa leçon, puis moi. Papa, moi, je volerai pas. Ben non. Je vole pas au magasin. Puis, elle a eu sa leçon, elle volera plus jamais. Puis, puis t'auras puis pas à avoir peur. Plus oui, jamais non plus dans je me demandais cette question-là. J'ai jamais volé de ma vie, puis, je suis pas une voleuse. À voler. En tout cas, elle a eu sa leçon. Ouais, elle volera plus jamais. Je l'achète, je le paye. Pas en tout. Je vole pas. Ben non, c'est faut pas voler, en fait. Moi, je suis très d'accord avec Roger sur ce point. Elle a eu sa leçon. Ouais. Oh oui. Puis les parents, ils sont contents dans ce temps-là. Ouais, parce qu'elle volera plus, je pense. Elle vole plus pantoute. Pas en tout. Bruno, t'as-tu une petite nouvelle avant qu'on aille écouter une toune? Okay, on va essayer d'aller dans un autre registre de sanité. C'est bon, je vais essayer de réveiller Zah, là. Ben non, je suis super réveillé. Les scientifiques marins qui ont publié cette semaine une photo prouvant que les baleines ont des flatulences. La photo prise du ciel montre en effet une baleine suivie d'une traînée d'excréments roses. La surface de l'eau est quant à elle perturbée par un grand cercle qui, a confirmé le docteur Nick Gales, est bien l'éruption physique de la flatulence de la baleine. Je l'ai vu la photo, là, puis la flatulence est plus grosse que la baleine. T'as les gros pets, ce gros animal. C'est à boire, hein. C'est un mammifère, fait qu'il doit... je pense. C'est pas la girafe qui est cachée. Hein. Les baleines pètent. Ben oui. Stopper les presses. Aïe. Ah, ben sinon, on va aller se lancer dans une toune. Vous connaissez Bill Baxter? C'est le gars que j'aurais aimé être. Mm-hmm. Ben, c'est aussi un groupe de punk français. Puis là, j'ai trouvé une toune qui était un petit peu plus intéressante ouais, que celle que de l'autre. La semaine passée. On va écouter Petit avec des grandes oreilles. Puis après ça, vous allez avoir Petit avec les grandes oreilles dans la tête. Puis on va revenir à 70%. Ça va se passer dans cet ordre-là. Avec des grandes oreilles. Dommage. Ne regarde pas comme ça, essaye d'oublier que tu es petit avec des grandes oreilles. J'ai beau y réfléchir, je ne sais pas pourquoi tu es petit avec des grandes oreilles. Quand je pense à ton père, quand je pense à ta mère, c'est vrai qu'en les imaginant sans leurs lunettes, ils sont petits avec des grandes oreilles. Petit avec des grandes oreilles. Petit avec des grandes oreilles, pas de raison d'avoir des complexes quand on est petit avec des grandes oreilles. Qu'as-tu envié à la société? Regarde tes amis et ton psychanalyste. Ils sont petits avec des grandes oreilles. Petits avec des grandes oreilles. Avec des grandes oreilles. Sais-tu pourquoi les Russes ont tous de grosses casquettes? Ils sont petits avec des grandes oreilles. Et les Américains, et les Alsaciens, les végétariens, et les Minusiens. Ils sont petits avec des grandes oreilles. Petits avec des grandes oreilles. Avec des grandes oreilles, on se retournera pour voir ce charmant couple de petits avec des grandes oreilles. Alors vous n'aurez plus qu'à vous marier et vous aurez sûrement de nombreux enfants qui seront petits avec des grandes oreilles. Petits avec des grandes oreilles. Dommage, dommage, dommage avec des grandes oreilles. La foule augmente au fur et à mesure qu'approche l'heure du départ pour le match de l'année 2025 du jeu de la mort. Voici Shannon qui s'avance, sûr de lui, grâce à ses 7 victoires précédentes. Il est sans doute un peu crispé, comme peut l'être un homme prêt à tuer ou à se faire tuer. C'est la même exaltation nerveuse que ressentaient jadis les gladiateurs qui partaient au combat. Et voici les chasseurs. En tête, Woody Aldrich. 8 fois chasseur et 2 fois gibier. La force d'un bœuf, l'agilité d'un chat. Gate Mantrax, instructeur pour les arts martiaux, participe pour la 3e fois à un combat de classe internationale. Et enfin, Kirk Karnak, qui sera sans doute l'adversaire le plus redoutable pour Ron Shannon. Ils se connaissent car ils ont vécu ensemble des heures terribles au cœur de la cité. Leur public. Bravo Ron Shannon, notre vainqueur est sans doute très fatigué. Il retrouvera toutes ses forces en buvant un verre de Life Plus. Vous aussi retrouvez vos forces comme Ron Shannon grâce à... Life Plus. Entendez-vous sur l'orgue, chantez le petit oiseau. La la la la la la la la la la la la la la la la. Super. Moi, j'étais au Danemark quand c'est sorti, ça. Ça a été la dernière fois, là. C'est mon pote Marc-Antoine, où je travaille, là, qui m'a dit qu'il avait acheté l'album une pièce dans un Dollarama. Fait que là, je l'ai rippé pour faire sûr qu'il en fasse plus, tu sais. Je veux pas l'encourager, mais je vais les avoir. Bon. Ça fait mal. Toutes les pages sont comme difficiles à tourner ce soir, on a l'impression. Hé hey, là là! T'as-tu des nouvelles tout plein, toi? Tu veux-tu nous en garocher une? Ok, je peux faire ça. T'as un petit peu, je vais essayer d'en trouver une pas pire. Dan Glass de Plain Stupid, un groupe d'activistes contre l'expansion des aéroports, a décidé de prendre les choses en main alors qu'il rencontrait le premier ministre du Royaume-Uni. Il s'est littéralement collé à lui. Glass raconte après l'incident, j'avais mis de la super glue sur ma main gauche et je l'ai collé sur sa manche de veston. Après 20 secondes, il l'a arraché. Il a dû donner quelques coups avant de se libérer. Ça a fait très mal. Il souriait et ne semblait pas me prendre au sérieux. Lorsqu'il a quitté l'établissement, il a tenté de se coller aux portes, mais la police l'en a empêché. Il ne me restait pas beaucoup de colle, de toute façon. Oh, ben, y a, tu vois? Plain stupid. Plain stupid. Ah, y a. Puis finalement, le message a-tu passé? Ça veut dire stupide naturel. Est-ce qu'ils vont grosser l'aéroport? Non. Non. Ça, il était occupé à pas avoir envie de l'écouter quand il faisait passer son message. Aïe. Je suis encore avec Jérémy. Moi, excusez, les gars. Ah, ça fait mal, ça fait le mal. Oh, man. Donc, je vais me replonger un petit peu dans la 4e dimension, non, la vas-y. Normandinisation. Là. Ça fait mal. Fidèle à la manière douteux.org, j'ai, l'an passé, été chez ce totem d'originalité. Obtenir quelques réponses à mes nombreuses questions. Là, dans son garage, il me montra tout. J'ai vu des enregistrements d'animation de mariage, des bouts du premier film de Roger, L'homme invisible, qui est appelé invisible parce qu'il est en dehors du cadre de la caméra à manipuler des fils invisibles. C'est pas vraiment un gars qui est invisible, c'est une façon de dire. Et puis, ben, j'ai vu ses trophées de pêche. J'ai touché au badge de policier qu'il va trouver dans le parc et qui est immanquablement lié à la 4e dimension. Mm-hmm. Ben oui. Je parle à Nadia, la charmante compagne de Rogers, que ce dernier rencontra dans l'exercice de ses fonctions, soit conduire un autobus plein de mineurs. Là, c'est pour ça qu'elle a l'air plus jeune que lui. À peine, tu trouves? Je partageais quelques O'Keefe tièdes avec lui. Il me parlait un peu de son processus créatif. Me fit écouter des enregistrements de ses chansons. Oui, Rogers est également compositeur-interprète de tunes western. Et je vis son bureau, son ordinateur, là où la magie naît. J'ai, en plus, ça c'est beau aussi, j'ai glandé sur son couch et usé de sa télécommande. Tu sais, quand t'es rendu là, man, c'est que t'es intime, là, t'es dans l'univers de Rogers. Ben, malgré le fait qu'aucune de mes questions ne trouva de réponse, puis d'ailleurs, je penserais que je suis ressorti avec plus de questions, je vous jure, j'étais au paradis, là, dans l'antre du créateur ultime. Dans cet appartement garage, vraiment, j'étais au paradis. J'étais content de m'en aller aussi. Ça fait peur des fois ces affaires-là. Et puis là, ben, j'entends quelqu'un qui dit « Oui, mais j'ai encore un problème avec le fait qu'il y a 5 longs métrages avant celui-là. Comment ça se peut pas? » Ben, lâchez-moi, hein? Je le jure. Il a même terminé son 7e dernièrement, « Les aventures d'un braconnier sans scrupules ». Ça me fait mal d'en parler. C'est parce que l'an passé, je demandais à Roger si je pouvais jouer dans un de ses films. Il m'a répondu immédiatement « Ok, tu vas être le fils du braconnier, puis tu vas l'aider. » En clair, Rogers venait de m'offrir le rôle de bras droit du boss des méchants. Je suis passé à côté de ça. Mm-hmm. Tristesse et damnation, mon lift vers le lieu du tournage, la cuisine à Rogers que l'on peut admirer au début de la 4e dimension, mais mon lift m'a chié des mains, m'empêchant de me rendre à la cuisine de Roger. Et puis... aïe. Mais depuis cette belle expérience-là, j'ai pu revoir Roger. Il est maintenant big et puis ben, je peux que ressentir une certaine fierté d'avoir été un des artisans de l'ascension de Normandin vers les hautes sphères de Juste pour rire et du stardom. Car j'ai rencontré l'artiste avant la triste histoire de lanceur de couteau, présumé meurtrier de la blonde à Rogers. Meurtrier de la mère de la blonde à Rogers, une mère qui fait aisément 10 ans de moins que Rogers. Et puis, ben, c'est à cette époque que des journalistes de La Presse et de LCN me téléphonaient pour me poser des questions sur l'iconoclaste génie. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que LCN, La Presse, Juste pour rire, ça a peut-être les mêmes commanditeurs. Se parle, ce monde-là. Est-ce que Rogers est l'arme secrète de Pelado dans son plan de la convergence totale? Si la normandinisation est le seul but de notre seul magna québécois, ben alors moi, j'embarque. C'est sûr, man. Normandin pour tous. Fait que là, on va aller voir ici... c'est Roger. Vous allez déduire assez vite. Maybe. Oh, là, c'est... en fait, c'est la séquence du viol. Hein. Je pense que c'était une autre. On va mettre celle-là. Ça va bien aller, vous allez voir. Il va interagir avec un personnage qu'on va voir pendant une séquence. Monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez Monsieur Hawk Pratou? Ça, serait-il le frère du gros héros? Oui, c'est ça. Du gros Onésime? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez M. Hawk-Pratou? Je connais pas ça partout, quoi. Est-ce que vous connaissez le magasin Le Végétarien? Bon, OK. Vous prenez ça. Sauf à la 4e rue. À la prochaine lumière. Après ça, vous verrez à droite. Vous montez One Way, là. Après ça, rendu au bout du One Way, là. Continuez toujours tout droit, là. J'allais tomber dessus à un moment donné, puis c'est la troisième, après ça, continue tout haut, vire à droite, vous allez frapper un one-way, là. Là. Bon, prenez ce one-way-là, finis tout haut, tout haut, tout droit, là. Vous faites ça, monsieur? Ben voyons, madame, je parle au monsieur. Ben non, Roger, il a utilisé son pouvoir de la 4e dimension pour se téléporter. Mais un gars, ça disparaît pas de même. Ben oui, c'est Roger. Non. Vous êtes contre maître, vous? Oui. Oui, justement, j'ai des beaux petits porte-clés avant. Regardez. Justement. Je sais pas c'est qui, elle. Ça allait m'encourager. Écoutez un peu, madame. Des porte-clés, là. Non. Non. Faites comme moi travailler, puis vous ne faites rien, des quêteux, là, en assez de dessus. Qu'est-ce que vous pensez que je fais, monsieur? Ben, faites comme tout le monde, travailler. Je fais mes porte-clés, puis je les vends. Je vous donne même pas de maudite sonne noire par ces bras. Pas m'encourager. Non, il n'y en a pas question. Le nœud se développe entre les deux personnages facultatifs. Vous voulez pas m'encourager, là? Vous voulez rien m'acheter? Non. La rente assez dure à gagner, là. Je travaille à ça, moi, pas que ça, vous me faites perdre mon temps, je suis pressé. Hein. Le nôtre aussi. L'effet, mais pour que je aussi, je gagne mon argent. Là, on va la laisser parce que là, la madame, elle va introspecter. Fait que Roger a parlé avec un contremaître rencontré sur la rue. On est resté avec le contremaître quand Roger s'est téléporté ailleurs. Il y a une madame que personne ne connaît qui est arrivée. Le contremaître s'en va. On est avec la madame. Ouais, là, on est avec la madame qui introspecte. Pourquoi? Tellement de questions. C'est parce que c'est dans la quatrième dimension. C'est ça. Tu penses-tu qu'il sait, Rogers, que la quatrième dimension, c'est le temps? Non. Non, OK. Il n'y a rien qui peut exister en dehors de la quatrième dimension. C'est... Ah, c'est bête comme ça. C'est ça. Il est riche. Il aurait pu me l'acheter. Lui, il va souper à soir. On sait bien. Plus qu'ils ont de l'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. Là, dans le stationnement, puis elle parle à personne. Comment je vais faire pour souffrir? Puis on la reverra pas du film? On la revoit pas du film après. Bon, là, mettons, ça, c'est comme la séquence se poursuit. Là, il passe du jour à la nuit, puis là, elle se fait voler son sac plein de porte-clés, puis Roger. Plus les gens ont de l'argent. T'as peut-être. Moins qu'ils en donnent. T'as pas rewindé, là? Non, elle dit trois fois. Elle va leur dire. Ça changera jamais, ça. Elle va leur dire. Vas-y, encore. Peut-être qu'elle l'avait déjà dit. Comment m'a fait pour aller souper? Donc, personne ici n'a de peine quant à la petite personne là qui va peut-être aller manger, qui, tu sais, pis tout, hein? Mm-hmm. C'est un petit peu comme mon quêta préféré. Je t'ai parlé de mon quêta préféré. Celui qui fait des rimes? Non, c'est pas celui qui fait des rimes. Mon quêta préféré, il est français, il est petit. Il a les cheveux frisés. Puis moi, je le voyais surtout sur du parc. Puis okay. Il me disait à chaque jour, « Excusez-moi, est-ce que vous avez un peu de monnaie? J'ai rien mangé depuis hier. » Puis moi, je me disais, ah, ben ça va bien, c'est votre affaire, il mange à chaque jour. Ben oui, il mange à chaque jour, c'est sûr. Ah, mais à chaque jour, il faut qu'il combatte. Hein, il faut qu'il combatte encore. C'est ça, là, hein? Chaque jour est un cadeau, mais chaque jour est un cadeau qui se mérite. Hey, je suis vraiment sous le choc, moi. Roger Normandin, là, c'est quelqu'un d'unique. Mm-hmm. Je l'aime beaucoup. Mais t'as été chez lui une fois, puis il a pas répondu. T'as vu qu'il avait laissé du beurre sur le comptoir. Ah ouais, ça c'est la première, la première fois qu'on est allé là, ça c'est assez spécial. J'ai téléphoné à Nadia vendredi. J'ai dit on arrive demain matin vers 1h de l'après-midi. Nadia, c'est sa compagne? Ouais, elle a dit OK, c'est correct. Puis là, ben, quand on est arrivé le lendemain, il était parti. Fait que là, son voisin d'en haut, qui était quelqu'un de très peu sympathique, m'a dit qu'il venait de partir, ça faisait 5 minutes. Fait que là, bon, on est resté dans le char pendant à peu près 4 heures à l'attendre. Finalement, il n'est jamais revenu. On voulait se faire. Ah ouais, il fallait qu'on aide de sa sagesse, là, je ne sais pas. Il fallait y parler. Finalement, ça n'a pas donné. Il n'est pas revenu. Puis on s'est dit, ça ne sera pas long parce qu'il a laissé son beurre sur la table. Puis on voyait le fridge, la quatrième dimension, depuis le cadre de porte. Ouais. Je trippais bien raide. C'était vraiment une belle aventure. Puis j'aimerais surtout ne pas féliciter son voisin d'en haut qui était une épreuve à lui seul, le gardien, le Cerbère de Roger, man. On est passé au travers, j'y ai parlé. D'ailleurs, je vais essayer de leur téléphoner dans le cadre du festival de douteux qu'on essaie de bâtir. Ah, pour qu'ils viennent faire son tour? Je sais pas, là. Je sais pas comment voir ça, comment prendre ça, mais j'aimerais ça qu'ils viennent faire une conférence sur ses méthodes créatives. Sur son procédé. Ben, c'est excellemment bien dit. Là. Ouais. Parce que moi, j'en reviens pas quand j'y ai demandé est-ce que je peux avoir un rôle dans le prochain film. Il a dit OK. Il a pas ouvert un folder dans sa tête. Il a dit OK. Ouais. Fait que là, on comprend pourquoi que. En tout cas. Mais c'est pas que c'est comme moi quand je cherche du monde pour jouer à la balle. T'sais. Ouais. T'sais. Première qualité, ils sont motivés. On cherche la deuxième. Ouais, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Hein? Moi, j'ai entendu des acteurs, en tout cas. Moi, j'entends. C'est fou parce qu'on dirait qu'il fait des auditions pour trouver le monde qui sont comme le plus spécial en tant qu'acteur. je sais pas trop quoi dire. Roger, je vais en parler toute ma vie. C'est la première fois que j'ai vu ça, Roger Normandin, la quatrième dimension. Je suis revenu d'une fête 8h le matin un samedi, puis ça me tentait pas de dormir. Puis il y a un de mes potes, Justin Marino, qu'on salue, qui m'avait amené deux disques, puis qui a dit, ça c'est un de ses potes à Shawinigan, qui avait, on a rendu loin. Puis là, il a dit, écoute, le pouce, pas drôle, c'est juste lourd. Puis là, mais ce matin-là, j'avais besoin de quoi de l'eau pour m'endormir. Fait que j'ai mis ça. J'ai pesé play, puis j'ai pas été capable d'émettre de bruit pendant 1h51. Puis quand ça a été fini, je m'en rappelle, il était 9h50 sur mon cadran. Je suis sorti dehors. Je vivais aux résidences de l'UQAM au dernier étage. Puis j'ai mis le hurlement que j'avais de besoin. Je venais de faire face à la bête, là. Je pensais pas qu'on pouvait. Tu as donné moins 9.4, pire que. Moins 9.7. Pire que Deadly Prey, ton douteux préféré. Ouais, fait que... Ça pèse juste en diffusabilité. Je vais en reparler un petit peu tantôt, là. Mais... En fait, ouais, ben, tu pourrais nous en parler tout de suite, là. On est dans le cosme, là. Ah, bon, on va faire ça d'abord. Mm-hmm. On n'arrête pas la banane dans sa lancée, hein. Ben, je vais aller mon petit texte d'abord parce que j'en parlais de poétique façon dedans. Bon, ben, on va parler de la quatrième dimension, le film. On ne pourra sans doute jamais comprendre toute la portée de la quatrième dimension, de pas très loin le plus douteux de tous les films de Normandin, donc au monde. En fait, je prétends que s'il vous était offert toutes les ressources du monde, n'importe quel cinéaste, scénariste, acteur, monteur, éclairagiste, des fonds illimités, puis je te donne même le droit de ressusciter qui tu veux, filme ça où tu veux, n'importe quel lieu de tournage, choisis ce que tu veux, mais j'ai la conviction certaine que personne ne pourrait égaler la quantité de doutes et de questions contenues dans la quatrième dimension. Il innove encore toutes les ressources. Ben, c'est ça, un peu comme le Citizen Kane de Wells qui réinventa la sémantique du cadre et de l'ombrage. Un peu comme George Lucas qui révolutionna l'art du blue screen. Roger Normandin fait préséance quand on parle douteux et réinvente le genre à chaque séquence. D'ailleurs, au tout début, il y a une unicité que je vais me permettre de faire remarquer quand on va voir le visuel. Donc, la seule chose qui nous fait garder des réserves quant à son classement, c'est l'absence de distribution. Deadly Prey, qui est l'autre consensuel bas-fond, a été tourné en 1986 aux États-Unis et je l'ai loué, traduit en français, en 1995 dans un club vidéo de Rouyn-Noranda. Hein? Ça a été diffusé. L'œuvre de Rogers, elle, est réellement un produit du terroir québécois. Ses dialogues ne peuvent être compris que par les oreilles les plus habituées aux joual d'ici, ce qui fait que même les francophones internationaux auraient besoin de sous-titres pour atteindre la conscience du fait qu'ils ne comprennent rien parce qu'il n'y a rien. C'est pour cette raison, et cette raison seulement, que je garde quelques réserves quand je parle de mon nouveau héros au quotidien, le moralisateur des femmes et des orphelins, et des inconnus, hein. Roger Normandin, le totem. Ça répond-tu à ta question? Ouais, tout à fait. Cool. On se donne un break, on va écouter une toune. Je me souvenais plus de la question. OK. On va écouter Mark Knopfler, Shangri-La, l'album 5h15 AM. C'est pas mal bon, ça. C'est comme un crescendo constant. J'aime ça quand il faut ça. Ouais, Roger. Attends, ça monte, ça monte, ça monte, genre. Ouais, ouais. Mm. Bacon, bacon. AM snowland all around, a college cycle's home, farm is night shift underground. Past the silent pub, primary school, work and men's club, on the road from the pit head, a churchyard packed with mining day. Then, beneath a bridge, comes to a giant car, a shroud of snow upon the roof, a Mark 10 Jaguar. He thought the man was fast asleep, silent, still and deep, both dead and cold, a shot through with bullet holes.

Il te fallait trouver une bonne raison pour évincer Robert, sinon les autres n'auraient plus eu confiance en toi. C'est alors que tu as fait recruter 3 gars par Larry pour qu'ils achètent les diams de Robert. Ainsi, tu pouvais l'éliminer pour trahison. Et ensuite ? Manque de chance, il y a une chose que tu n'avais pas prévue, et c'est la soudaine apparition de Rose. Elle a déjoué tous tes plans. Tu n'es pas aussi futé que je le croyais. Rose n'a pas du tout démoli mes plans, elle les a favorisés. Et si j'en crois certains faits, tes agents aussi les ont aidés. Non, je vais t'expliquer l'ingéniosité de ce plan. En premier lieu, je voulais que Larry remplace Robert. Mais cet imbécile ne pensait qu'à sa cote de fille. C'est pourquoi je lui ai proposé d'envoyer ses hommes pour violer Rose, dans l'espoir que George, un de tes agents d'Interpol, se déciderait à épouser Jenny. Elle pouvait ainsi espionner pour moi et me tenir informé de tous les agissements d'Interpol. Mais ensuite, Rose est réapparue pour se venger. Et c'est alors que s'est présenté un plan encore plus astucieux. C'est donc toi le grand responsable de tout ça. Garde ton calme, je n'ai pas tout à fait fini. À ce moment-là, Rose a commencé sa tuerie. Et c'est alors que j'ai pensé... Pourquoi ne pas tout cumuler? Je me débarrassais ainsi de tout le gang en même temps. Et je recommençais une nouvelle vie. Ce fut un succès. Rose et Georges m'ont débarrassé de Larry et de Robert. Pendant que toi, sans attendre, tu as fait disparaître mes 3 gros lards. Tu n'es qu'une ordure et un enfoiré de première. Oui, mais quand tu auras disparu, il n'y aura plus personne qui connaîtra mon secret et je pourrai recommencer autant de fois que je le veux. À le raconter d'un bout à l'autre à des inconnus. Ça n'a pas d'importance parce que tu vas mourir. Et je suis le ninja blanc, toi tu es le ninja rouge, j'ai donc plus de HP. Ouais. Toutes les pages sont pénibles ce soir. Envoyez une autre nouvelle. Okay, c'est la bon. Baleine pète. Alors, après s'être barricadé à l'intérieur de l'appartement de son voisin pendant 10 jours, Chris Moult de Brooklyn a été escorté à l'aile psychiatrique par la police. Son évaluation médicale dit « Il a l'illusion bizarre de devoir sauver le chat de son voisin ». Heureusement pour lui, mais malheureusement pour le chat, Moult n'était pas fou. Le chat de son voisin était bel et bien tombé dans un trou de 10 mètres dans la salle de bain de son propriétaire et est resté coincé 15 jours. Moult, quant à lui, n'est resté que 6 jours sous observation à l'aile psychiatrique. Ah oh ben, Colin! Hey, c'est beau ça, man! Y'a personne qui a checké avec une spot dans le fond du trou, ils ont dit c'est bien plus simple de l'amener à l'asile. C'est fou, man! Hey, yeah. Mais c'était bien cadé aussi, c'est pas sain. On va, moi, je suis fait entrer qu'un peu. Là. Chaque page est. Chaque page est difficile. Aujourd'hui. C'est spécial Normandin, tu vois, ça attire ça. Hein. Ouais. Israël, tu voulais nous parler de quelque chose, toi. Oui, la semaine passée, j'ai. Il y a ma coloc, la charmante Sandra, on lui dit bonjour. Bonjour. Elle voulait que je loue un vieux film, là, qu'il avait été cool quand on était petit. C'était Le Village Édordé de John Carpenter, un remake d'un vieux film d'horreur, là. Les enfants fait sont blancs. À mon souvenir, il était plus ou moins 3. Puis là, elle voulait l'écouter avec son petit chum, là. En tout cas, j'ai loué ça à mon club vidéo vu que j'ai eu ça gratis. Là, j'étais arrivé, je l'écoutais un bout, puis en fin de compte, je donnais moins 4. T'sais, c'était plate, c'était vaseux. Des explosions, des morts emparlées, des sentiments. Est-ce que vous pouvez avoir des sentiments? Puis des. Une passe de chat aussi, là. Des passes ça de avance pushing. Avec. Puis là, ça fait. Ouais. Là, saute dessus. Là. Ça arrive souvent dans les films d'horreur. Fait que c'est ça, c'était super plate. Puis je me suis mis à m'exprimer parce que selon tes enseignements, t'as dit de ton église. On nous dit de faire sortir le méchant, tu sais. Ben oui. On nous le dit au début de l'encyclopédie que tu as écrit, tu dis quand tu dégustes ton douteux, il faut que tu sois en crise, il faut que tu lances des bouchons de bière à l'écran. Ben, j'ai fait tout ça, tu sais. Puis Sandra me dit là, faudrait que tu arrêtes, tu veux-tu aller dans ta chambre? Fait que je me suis rendu compte que des fois, il y a un public pour ça, puis il faut pas. Ben, il faut nécessairement... être averti avant, c'est ça qui arrive. En fait, faut que tu me dirais qu'il faudrait que j'avertisse les gens avec qui je suis avant que je vais peut-être sacrer. Ben, si, mettons, tu loues un film que dans ton esprit, dans le passé, c'était plus ou moins 3, donc très peu intéressant, puis tu t'assumes que tu vas le réécouter, je pense, ouais, ça se dit, là, au monde qui sont là. Comme quand on était au cinéma Beaubien, on est allé voir Les échangistes de Simon Boisvert, on était 15 dans la pièce, puis il y avait 6 qui étaient là pour rire. Je me suis reviré, puis j'ai dit à tout le monde, nous autres, on va parler pendant le film. Puis dites-nous-le si on fait trop de bruit. Puis ça a été correct. mais c'était pas très drôle non plus. Non. Ah, non, vous avez pas sacré tant que ça. Bon, ben, parfait. Là, je trouve que j'ai une notion de plus dans mon sac à dos. Oh, ben, ouvre ta boîte à souvenirs. De ton petit tour de tiroir dans ta tête. Ouais, ah, et puis là, je vous invite tous à jouer à balle le samedi après-midi de midi à 5h. Il y a Saumur. Tout le monde qui nous écoute. Ouais. Tout le monde qui nous écoute. C'est au terrain de balle en arrière de l'usine McDonald's, coin Iberville et l'usine à Ontario. Cigarette, pas loin du métro Frontenac. Venez-vous-en, on va être là, moi et Tommy. Ouais, peut-être. Moi, je travaille les samedis. Puis Bruno. Ah, peut-être aussi. Peut-être. Ben, moi, je suis là. Mm-hmm. Bon, lui, il est là. C'est quoi que je voulais dire, moi? On était rendu à la fin. Toi, il te reste deux nouvelles. Vas-y, fais-en une. Ouais, ok, c'est bon. Ils sont bonnes la soirée. Ça compense pour la semaine passée. Mon gros canon, là, je vous ai plus comme de d'intérêt social, celle-là, mais c'est quand même un peu drôle. Ben, si vous croyez que l'économie va mal, en fait, consolez-vous en vous disant qu'on est quand même mieux que le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui a déjà été le pays le plus riche d'Afrique, quand même. La Banque centrale du pays a récemment mis en circulation un billet de 1 milliard de dollars. C'est des dollars de Zimbabwe. Mais alors vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 milliard de dollars du Zimbabwe. Ben c'est environ deux tranches de pain. Il vous faudrait 250 milliards pour un dîner. Le pays ravagé par l'hyperinflation a dû jusqu'à date cette année imprimer des billets de 100 millions, 250 millions et 500 millions avant de passer au billet de 1 milliard. Les économistes, quant à eux, qu'on fonctionne en trillions et en quadrillions pour définir leur économie. Il y a des exposants. des billes avec des exposants. Ouais, j'avais vu ça quelque part, que c'était comme la crise là-bas. Tu sais. Ça va pas bien. Le gouvernement a perdu le contrôle de sa monnaie, man. Le monde dit on en veut plus, il en donne plus. Les affaires coûtent plus cher. C'est ça. Tu on pourrais nous faire ta dernière, là, l'émission finie. Ouais. C'est bon. Alors, James Wakefield, espérant reconquérir le cœur de son ex-copine, pardon, en la faisant kidnapper par un ami et en allant la sauver héroïquement. Dans un scénario tout droit sorti d'une sitcom banale, il a offert à un ami 20 000 livres pour menacer et enlever la femme dans les bois, tout en portant un casque afin de camoufler son visage et sa voix. Aaron Rawson, son ami, donc, qui croyait que c'était une blague, a été surpris de voir que Wakefield arrivait avec des lunettes de vision nuit, des menottes, un pistolet à air et un bloc de couteau. Après deux tentatives ratées, Rawfield a abandonné le plan. Wakefield a été condamné pour conspiration à kidnapper 14 mois de prison. Et Rawson, sous les mêmes chefs d'accusation, à 9 mois. Chérie, je t'aime. Mais c'est ça, c'est parce qu'il l'aimait. Il savait pas comment il dire, fait qu'il a payé un gars 40 000 livres. Ah ben c'est pas fou, il y en a qui ont plus de couilles que d'autres. Hein. Ah ouais. On va écouter ici Andreas et Nicolas, ça dure une minute, puis on va revenir pour le petit dernier bloc de Roger Normandin. Avec le petit Jérémy? Oui. Ah oui, ça va l'unique être bon. L'unique petit Jérémy. Ouh. Ok, j'aime bien me mettre de la crème. Écoutez ça, c'est des menthes au bacon. Sur le visage que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien mettre de la crème sur le visage que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien mettre de la crème sur le visage que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien me mettre la crème que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien me mettre la crème que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien mettre de la crème sur le visage que ma peau respire le soleil et la santé. J'aime bien mettre de la crème sur le visage. Et si je fais tout ceci, c'est simplement parce que je t'aime. Dès le point du jour, il s'accroche à sa cloche. Non. Excuse-moi, mon grand, là, non. C'est brisé. Tu fais ton possible. C'est un peu comme ta face. Oh. Ah, oh, c'était pas gentil. Ça. Oh. ça va le bar à soir. Ça, ça te dit pour ça. Ça, il a pas choisi, mais il a choisi de chanter. Non? Ouais. Ça, c'est pas pareil. Penses-tu vraiment que c'est lui ou c'est sa mère? Non, moi, je pense qu'il existe pas vraiment. C'est un pantin informatique. Comme le film plate avec Al Pacino. C'est pour là. Ça l'aspect. D'ailleurs, t'as-tu déjà vu les deux dans la même pièce? Non, man. Jamais. Bon. What? Des manteaux bacon. Hey, c'est que Gaël, Adrien, Maxime Tessier, le tourneur, c'est quelqu'un de Rouyn-Noranda qui est avec moi depuis longtemps dans l'aventure douteux. Jadis, quand j'avais pas encore réussi à trouver le Roger Normandin, ça c'est avant de faire le tour de toutes les R Normandin, Roger Normandin du Bottin du Québec, c'est-à-dire pas mal. Ouais. Puis même dans le village même de la Calatortue, il y a 4 Roger Normandin. Fait qu'il faut que tu tombes sur le bon. Mm-hmm. Je l'ai cherché longtemps. Gaël, pendant ce temps-là, lui, il avait hâte de rencontrer Roger. Puis c'est pour ça qu'il a fait un beau petit texte que ça va me faire plaisir de relire ici, que tu sais, puis tout. Puis là, j'avais même placé une belle petite toune, là, hein, pendant Gaël. Ah, c'est ça, le texte à Gaël, parce que c'est pas moi. Hein. Ah, c'est parfait! Comment contacter Roger Normandin? À cette question posée franchement, à cette question dont la réponse peut s'avérer le plus doux de tous les baumes jamais posés sur le mental de votre animateur ou le pire de tous les enfers, Gaël, Adrien, Maxime, Tessy, le tourneur, répond sans retenue. Comment contacter Roger Normandin? La question est simple en effet, mais tellement fondamentale. Comment peut-on s'adresser à un tel être? Par la voie de la prière? Par des sacrifices? Comment savoir? Ensuite vient le questionnement en rapport avec la réponse. Doit-on assumer qu'il nous écoute constamment? Pourrons-nous concevoir et comprendre la forme que prendront ces réponses? Comment réagir à l'absence de réponse directe à nos prières? Où sont les signes? Rogers Normandin ne peut pas ne pas connaître notre soif de sa connaissance. Normandinise-nous, Roger. Mais pourtant, jamais il ne nous apparaît. Existe-t-il vraiment? La vie serait-elle encore un sens sans lui et sa grandiose présence veillant au-dessus de nos têtes? Tout cela est une question de foi, mes frères. Une question de foi. Brûlons quelques hérétiques ignares de la grande voie normandine pour nous attirer ses bonnes grâces et que les foudres de sa quadridimensionnelle colère s'abattent sur nous si jamais nous doutons de sa puissance. C'est fabuleux, hein? C'est vraiment, vraiment touchant. Je pense qu'on est déjà rendu à la fin. Hein? Ouais. Merci les amis, rendez-vous au Brouhaha ce soir pour une autre excellente soirée. Que des i. Arrivez tôt, hein, parce que moi je pense que ça va être loadé à soir. Il va avoir des suppos de Normandin à soir. Yes. Il va amener tous les t-shirts de Swim Team. Hein? Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était 70% d'aujourd'hui. C'était encore super plaisant. C'est ça. Hein? Le truc, c'est d'aller au douteux.org en attendant. On vous laisse avec une dernière séquence de la chaîne de vie. Ça va être la fille déshéritée qui se réfugie chez ses amis qu'on ne connaissait pas avant cette séquence-là. Bonjour, papa. Bonjour, Lily. Ça va bien? Oui, viens t'asseoir. Moi, j'étais à l'hôpital pour faire un test de grossesse, puis ils m'ont dit que j'étais enceinte. Dis, papa. Que t'es enceinte? Dis-moi pas que tu m'as fait des bêtises de même. Oui. T'es pareil comme ta mère, Caroline. Mais toi, je sais pourquoi maman t'a laissé. Pourquoi qu'elle m'a laissé, ma mère? Tu rendais pas ça depuis 10 ans. Pressé, j'ai été un souillon. Et puis à ce moment-là, ça ne veut pas dire. Tu m'as jamais écouté. Non, je t'ai regardé réellement, regardé clair. Mais Sylvie, c'est l'été recommencé, puis je t'allais regarder avec moi. Et puis ta mère, c'est une moutre de putain. T'es pareil dans ta mère. T'es une moutre de putain. Maman, c'est pas une putain! Non. Toi aussi, elle est une putain. I'm good. sleep.